Rhapsodie 23. Et tandis qu'ils gémissaient ainsi par la ville, les Achaïens arrivèrent aux nefs et aux Lespontos, et ils se dispersèrent, et chacun rentra dans sa nef. Mais Achilleus ne permit point aux Myrmidones de se séparer, et il dit à ses braves compagnons, « Myrmidones aux chevaux rapides, mes chers compagnons, ne détachons point des chars nos chevaux aux sabots massifs, mais avec nos chevaux et nos chars pleurons Patroclos, car tel est l'honneur dû aux morts. Après nous être rassasiés de deuil, nous délirons nos chevaux, et tous nous prendrons notre repas ici. » Il parla ainsi, et il se lamentait, et Achilleus le premier, et en gémissant, ils poussèrent trois fois les chevaux aux belles crinières autour du cadavre, et Tétis augmentait leur désir de pleurer. Et, dans le regret du héros Patroclos, les larmes baignaient les larmes, et arrosaient le sable. Et au milieu d'eux, le Péléide commença le deuil lamentable, en posant ses mains tueuses d'homme sur la poitrine de son ami. « Sois content de moi, ô Patroclos, dans les demeures d'Aïdès. Tout ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Hector, jeté aux chiens, sera déchiré par eux, et pour te venger, je tuerai devant ton bûcher 12 nobles fils des Troyens. » Il parla ainsi, et il outragea indignement le divin Hector en le couchant dans la poussière devant le lit du Méonithiade. Puis les Myrmidones quittèrent leurs splendides armes d'airain, dételèrent les chevaux hennissants, et s'assirent en foule autour de la nef du rapide Aïakide, qui leur offrit le repas funèbre. Et beaucoup de bœufs blancs mugissaient sous le fer, tandis qu'on les égorgeait, ainsi qu'un grand nombre de brebis et de chèvres bêlantes. Et beaucoup de porcs gras cuisaient devant la flamme du feu. Et le sang coulait abondamment autour du cadavre. Et les princes achaïens conduisirent le prince Péléon au pied rapide vers le divin Agamemnon, mais non sans peine, car le regret de son compagnon emplissait son cœur. Et quand ils furent arrivés à la tente d'Agamemnon, celui-ci ordonna au héros de poser un grand trépied sur le feu, afin que le Péléide, s'il y consentait, lavât le sang qui le souillait. Mais il s'y refusa toujours et jura un grand serment. « Non, par Zeus, le plus haut et le meilleur des dieux, je ne purifierai point ma tête que je n'ai mis Patroclos sur le bûcher, élevé son tombeau et coupé ma chevelure. Jamais, tant que je vivrai, une telle douleur ne m'accablera plus. Mais achevons ce repas aux dieux. Roi des hommes, Agamemnon, commande qu'on apporte dès le matin le bois du bûcher et qu'on l'apprête, car il est juste d'honorer ainsi Patroclos, qui subit les noires ténèbres. » Et le feu infatigable le consumera promptement à tous les yeux, et les peuples retourneront aux travaux de la guerre. » Il parla ainsi, et les princes l'ayant entendu lui obéirent, et tous, préparant le repas, mangèrent, et aucun ne se plaignit d'une part inégale. Puis ils se retirèrent sous les tentes pour y dormir. Mais le Péléide était couché, gémissant, sur le rivage de la mer au bruit sans nombre, au milieu des Myrmidones, en un lieu où les flots blanchissaient le bord. Et le doux sommeil, lui versant l'oubli de ses peines, l'enveloppa, car il avait fatigué ses beaux membres en poursuivant Hector autour de la haute Ilios. Et l'âme du malheureux Patroclos lui apparut, avec la grande taille, les beaux yeux, la voix et jusqu'aux vêtements du héros. Elle s'arrêta sur la tête d'Achilleus et lui dit, « Tu dors et tu m'oublies, Achilleus. Vivant, tu ne me négligeais point, et mort, tu m'oublies. « Ensevelis-moi, afin que je passe promptement les portes d'Aïdès. Les âmes, ombres des morts, me chassent, et ne me laissent point me mêler à elles au-delà du fleuve, et je vais, errant en vain, autour des larges ports de la demeure d'Aïdès. Donne-moi la main, je t'en supplie en pleurant, car je ne reviendrai plus du Hadès quand vous m'aurez livré au bûcher. Jamais plus, vivants tous deux, nous ne nous confierons l'un à l'autre. » Assis loin de nos compagnons, car la caire odieuse qui m'était échue dès ma naissance m'a enfin saisi. Ta mort fatale, ô Achilleus, égale aux dieux, et aussi de mourir sous les murs des Troyens magnanimes. Mais je te demande ceci, et puisses-tu me l'accorder, Achilleus, que mes ossements ne soient point séparés des tiens, mais qu'ils soient unis, comme nous l'avons été dans tes demeures. Quand Ménoïtios m'y conduisit tout enfant, d'Opoène, parce que j'avais tué déplorablement, dans ma colère, le fils d'Amphidamas, en jouant au dé, le cavalier Péléus me reçut dans ses demeures, m'y éleva avec tendresse et me nomma ton compagnon. Qu'une seule urne reçoive donc nos cendres, cette urne d'or que t'a donnée ta mère vénérable. » Et Achilleus au pied rapide lui répondit, « Pourquoi es-tu venu, ô tête chère, et pourquoi me commander ces choses? Je t'obéirai et les accomplirai promptement. Mais reste, que je t'embrasse un moment, au moins. adoucissons notre amère douleur. » Il parla ainsi, et il étendit ses mains affectueuses. Mais il ne saisit rien, et l'âme rentra en terre comme une fumée, avec un âpre murmure. Et Achilleus se réveilla stupéfait, et frappant ses mains, il dit ces paroles lugubres. « Ô Dieu, l'âme existe encore dans le Hadès, mais comme une vaine image, et sans corps. » L'âme du malheureux Patroclos m'est apparue cette nuit, pleurant et se lamentant, et semblable à lui-même, et elle m'a ordonné d'accomplir ses vœux. Il parla ainsi, et il excita la douleur de tous les Myrmidones, et hausse aux doigts couleur de rose, les trouva gémissant autour du cadavre. Mais le roi Agamemnon pressa les hommes et les mulets de sortir des tentes et d'amener le bois, et un brave guerrier les commandait, Meriones, compagnon du courageux Idoménéus. Ils allaient avec les haches qui tranchent le bois et les cordes bien tressées, et les mulets marchaient devant eux. Et franchissant les pentes et les rudes montées et les précipices, ils arrivèrent au sommet de l'Ida, où abondent les sources. Et aussitôt, de leurs haches pesantes, ils abattirent les chênes feuillus qui tombaient à grand bruit. Et les Achaïens y attelaient les mulets qui dévoraient la terre de leurs pieds, se hâtant d'emporter vers le camp leur charge à travers les broussailles épaisses. Et les Achaïens traînaient aussi les troncs feuillus, ainsi que le commandait Meriones, le compagnon d'Idoménéus qui aime les braves. Et ils déposèrent le bois sur le rivage, là où Achilleus avait marqué le grand tombeau de Patroclos et le sien. Puis, ayant amassé un immense monceau, ils s'assirent, attendant. Et Achilleus ordonna aux braves Myrmidones de se couvrir de leurs armes et de monter sur leurs chars. Et ils se hâtaient de s'armer et de monter sur leurs chars, guerriers et conducteurs. Et derrière les cavaliers s'avançaient des nuées d'hommes de pied. Et au milieu d'eux, Patroclos était porté par ses compagnons, qui couvraient son cadavre de leurs cheveux qu'ils arrachaient. Et, triste, le divin Achilleus soutenait la tête de son irréprochable compagnon qu'il allait envoyer dans le Hadès. Et quand ils furent arrivés au lieu marqué par Achilleus, ils déposèrent le corps et bâtirent le bûcher. Et le divin Achilleus, aux pieds rapides, eut une autre pensée. Il coupa, à l'écart, sa chevelure blonde qu'il avait laissé croître pour le fleuve Sperchios. Et, gémissant, il dit, les yeux sur la mer sombre, « Sperchios, c'est en vain que mon père Péléus te promit qu'à mon retour dans la chère terre de la patrie, je couperai ma chevelure et que je te sacrifierai de saintes hécatombes et 50 béliers à ta source, là où sont ton temple et ton autel parfumé. » Le vieillard te fit ce vœu, mais tu n'as point exaucé son désir, car je ne reverrai plus la chère terre de la patrie. C'est au héros Patroclos que j'offre ma chevelure pour qu'il l'emporte. Ayant ainsi parlé, il déposa sa chevelure entre les mains de son cher compagnon, augmentant ainsi la douleur de tous. Et la lumière de Hélios fut tombée, tandis qu'il pleurait encore. Si Achilleus, s'approchant d'Agamemnon, ne lui eût dit « Atréide, à qui tout le peuple achaïen obéit, plus tard il pourra se rassasier de larmes, commande-lui de s'éloigner du bûcher et de préparer son repas. Nous, les chefs, qui avons un plus grand souci de Patroclos, restons seuls. » Et le roi des hommes, Agamemnon, l'ayant entendu, renvoya aussitôt le peuple vers les nefs égales. Et les ensevelisseurs, restant seuls, amassèrent le bois. Ils firent le bûcher de 100 pieds sur toutes ses faces, et, sur son faîte, ils déposèrent, plein de tristesse, le cadavre de Patroclos. Puis, ils égorgèrent et écorchèrent devant le bûcher une foule de brebis grasses et de bœufs aux pieds flexibles. Et le magnanime Achilleus, couvrant tout le cadavre de leur graisse, de la tête aux pieds, entassa tout autour leurs chairs écorchées. Et, s'inclinant sur le lit funèbre, il y plaça des amphores de miel et d'huile. Puis il jeta sur le bûcher 4 chevaux, au beau cou. 9 chiens familiers mangeaient autour de sa table. Il en tua 2 qu'il jeta dans le bûcher. Puis, accomplissant une mauvaise pensée, il égorgea 12 nobles enfants des Troyens magnanimes. Puis il mit le feu au bûcher, afin qu'il fût consumé. Il gémit, appelant son cher compagnon. « Sois content de moi, ô Patroclos, dans le Hadès, car j'ai accompli tout ce que je t'ai promis. Le feu consume avec toi 12 nobles enfants des magnanimes Troyens. Pour le Priamide Hector, je ne le livrai point au feu, mais au chien. » Il parla ainsi dans sa colère, mais les chiens ne devaient point déchirer Hector, car jour et nuit, la fille de Zeus, Aphrodite, les chassait au loin, oignant le corps d'une huile ambroisienne, afin que le Péléide ne le déchirât point en le traînant. Et Phoïbos Apollon enveloppait d'une nuée uranienne le lieu où était couché le cadavre, de peur que la force de Hélios n'en desséchât les nerfs et les chairs. Mais le bûcher de Patroclos ne brûlait point. Alors le divin Achilleus aux pieds rapides pria à l'écart les devants Boréas et Zéphyros, leur promettant de riches sacrifices. Et faisant des libations avec une coupe d'or, il le supplia de venir, afin de consumer promptement le cadavre, en enflammant le bûcher. Et la rapide Iris entendit ses prières, et s'envola en messagère auprès des vents. Et, rassemblés en foule dans la demeure du violent Zéphyros, ils célébraient un festin. Et la rapide Iris survint et s'arrêta sur le seuil de pierre. Et dès qu'ils l'eurent vue de leurs yeux, tous se levèrent, et chacun l'appela près de lui. Mais elle ne voulut point s'asseoir et leur dit « Ce n'est pas le temps de m'asseoir, je retourne aux bouches de l'Océanos, dans la terre des Aïthiopiens, là où ils sacrifient des hécatombes aux immortels, et j'en ai ma part. Mais Achilleus appelle Boréas et le sonore Zéphyros. Il les supplie de venir, leur promettant de riches sacrifices, s'ils excitent le feu à consumer le bûcher sur lequel gît Patroclos, que pleurent tous les Achaïens. » Elle parla ainsi et s'envola. Et les devants se ruèrent avec un bruit immense, chassant devant eux les nuées tumultueuses. Et ils traversèrent la mer, et l'eau se souleva sous leur souffle violent. Et ils arrivèrent devant la riche Troie, et se jetèrent sur le feu. Et toute la nuit, soufflant horriblement, ils irritèrent les flammes du bûcher. Et toute la nuit, le rapide Achilleus, puisant le vin à pleine coupe d'un cratère d'or et le répandant, arrosa la terre, appelant l'âme du malheureux Patroclos. Comme un père qui se lamente en brûlant les ossements de son jeune fils, dont la mort accable ses malheureux parents de tristesse, de même Achilleus gémissait en brûlant les ossements de son compagnon, se roulant devant le bûcher et se lamentant. Et quand l'étoile du matin reparut, messagère de lumière, et après elle, quand Eos au péplos couleur de safran se répandit sur la mer, alors le bûcher s'apaisa. Et la flamme s'éteignit, et les vents partirent, s'en retournant dans leur demeure, à travers la mer trachienne, dont les flots soulevés grondaient. Et le Péléide, quittant le bûcher, se coucha accablé de fatigue, et le doux sommeil le saisit. Mais bientôt le bruit et le tumulte de ceux qui se rassemblaient autour de l'Atréion le réveillèrent. Il se leva, et il leur dit « Atréide, et vous, princes des Achaïens, éteignez avec du vin noir toutes les parties du bûcher que le feu a brûlées, et nous recueillerons les os de Patroclos Ménoïtiade. Ils sont faciles à reconnaître, car le cadavre était au milieu du bûcher, et loin de lui, tout autour, brûlaient confusément les chevaux et les hommes. Déposons dans une urne d'or ces os recouverts d'une double graisse, jusqu'à ce que je descende moi-même dans le Hadès. Je ne demande point maintenant un grand sépulcre, que celui-ci soit simple. Mais vous, Achaïens, qui survivrez sur vos nefs bien construites, vous nous élèverez, après ma mort, un vaste et grand tombeau. » Il parla ainsi, et ils obéirent au rapide Péléon. Ils éteignirent d'abord avec du vin noir toutes les parties du bûcher que le feu avait brûlé, et la cendre épaisse tomba. Puis, en pleurant, ils déposèrent dans une urne d'or, couverts d'une double graisse, les os blancs de leurs compagnons pleins de douceur. Ils mirent sous la tente du Péléide cette urne enveloppée d'un voile léger. Puis, marquant la place du tombeau, ils en creusèrent les fondements autour du bûcher. Ils mirent la terre en monceau. Ils partirent, ayant élevé le tombeau. Mais Achilleus retint le peuple en ce lieu, et le fit asseoir en un cercle immense, et il fit apporter des nefs les prix, des vases, des trépieds, des chevaux, des mulets, des bœufs aux fortes têtes, des femmes aux belles ceintures et du fer brillant. Et d'abord, il offrit des prix illustres aux cavaliers rapides, une femme irréprochable, habile aux travaux, et un trépied à anse contenant 22 mesures pour le premier vainqueur. Pour le second, une jument de 6 ans indomptée et pleine d'un mulet. Pour le troisième, un vase tout neuf, beau, blanc, et contenant 4 mesures. Pour le quatrième, 2 talents d'or. Et pour le cinquième, une urne neuve à 2 anses. Et le Péléide se leva et dit aux Argiens, « Atréides, et vous, très braves Achaïens, voici dans l'enceinte les prix offerts aux cavaliers. Si les Achaïens luttaient aujourd'hui pour un autre mort, certes, j'emporterai ces prix dans mes tentes, car vous savez que mes chevaux l'emportent sur tous, étant immortels. Poséidaon les donna à mon père Péléus qui me les a donnés. Mais ni moi, ni mes chevaux aux sabots massifs, nous ne combattrons. Ils ont perdu l'irréprochable vigueur de leurs doux conducteurs qui baignaient leurs crinières d'huile liquide après les avoir lavés dans une eau pure. Et maintenant, ils pleurent, les crinières pendantes. Ils restent immobiles et pleins de tristesse. Mais vous qui, parmi tous les Achaïens, vous confiez en vos chevaux et en vos chars solides, descendez dans l'enceinte. » Le Péléide parla ainsi, et de rapides cavaliers se levèrent. Et le premier se leva le roi des hommes, Eumélos, le fils bien-aimé d'Admétès, très habile à mener un char. Et après lui se leva le brave Diomédès Tidéide, conduisant sous le joug les chevaux de Troos, qu'il avait enlevé autrefois à Inéas, quand celui-ci fut sauvé par Apollon. Et, après Diomédès, se leva le blond Ménélaos Atréide, aimé de Zeus. Et il conduisait sous le joug deux chevaux rapides, Aïté, jument d'Agamemnon, et Podargos, qui lui appartenait. Et l'Anchisiade, Échépolos, avait donné Aïté à Agamemnon, afin de ne point le suivre vers la haute Ilios. Il était resté, vivant dans les délices, car Zeus lui avait donné de grandes richesses, et il habitait la grande Sicyon. Et Ménélaos la conduisait sous le joug, pleine d'ardeur. Et, après l'Atréide, se leva, conduisant deux beaux chevaux, Antilochos, l'illustre fils du magnanime roi Nestor Néléiade. Et les chevaux rapides qui traînaient son char étaient Pylien. Et le père, debout auprès de son fils, donnait des conseils excellents au jeune homme déjà plein de prudence. Antilochos, certes, Zeus et Poséidaon, t'ayant aimé tout jeune, t'ont enseigné à mener un char. C'est pourquoi on ne peut t'instruire davantage. Tu sais tourner habilement la borne, mais tes chevaux sont lourds, et je crains un malheur. Les autres ne te sont pas supérieurs en science, mais leurs chevaux sont plus rapides. Allons, ami, réfléchis à tout, afin que les prix ne t'échappent pas. Le bûcheron vaut mieux par l'adresse que par la force. C'est par son art que le pilote dirige sur la noire mer une nef rapide battue par les vents. Le conducteur de char l'emporte par son habileté sur le conducteur de char. Celui qui s'abandonne à ses chevaux et à son char vagabonde follement çà et là, et ses chevaux s'emportent dans le stade. Il ne peut les retenir. Mais celui qui sait les choses utiles, quand il conduit des chevaux lourds, regardant toujours la borne, les fleurs en la tournant. Il ne lâche point tout d'abord les rênes en cuir de bœuf, mais les tenant d'une main ferme, il observe celui qui le précède. Je vais te montrer la borne. On la reconnaît aisément. Là s'élève un tronc desséché, d'une aune environ hors de terre, et que la pluie ne peut pourrir. C'est le tronc d'un chêne ou d'un pin. Devant lui sont deux pierres blanches, posées de l'un et l'autre côté, au détour du chemin, et en deçà comme au-delà s'étend l'hippodrome aplani. C'est le tombeau d'un homme mort autrefois, ou une limite plantée par les anciens hommes. Et c'est la borne que le divin Achilleus aux pieds rapides vous a marquée. Quand tu en approcheras, pousse tout auprès tes chevaux et ton char. Penche-toi de ton char bien construit un peu sur la gauche et excite le cheval de droite de la voix et du fouet en lui lâchant toutes les rênes. Que ton cheval de gauche rase la borne de façon que le moyeu de la roue la touche presque. Mais évite de heurter la pierre, de peur de blesser tes chevaux et de briser ton char, ce qui ferait la joie des autres. Mais ta propre honte. Enfin, ami, sois adroit et prudent. Si tu peux dépasser la borne le premier, il n'en est aucun qui ne te poursuive vivement. Mais nul ne te devancera, quand même on pousserait derrière toi le divin Atréion, ce rapide cheval d'Adrestès qui était de race divine, ou même les illustres chevaux de Laomédon qui furent nourris ici. Et le Néléon Nestor, ayant ainsi parlé et enseigné toutes choses à son fils, se rassit. Et le cinquième, Mériones, conduisait deux chevaux au beau crin. Puis ils montèrent tous sur leurs chars, et ils jetèrent les sorts, et Achilleus les remua, et Antilochos Nestoréide vint le premier, puis le roi Eumélos, puis l'Atréide Ménélaos, illustre par sa lance, puis Mériones, et le dernier fut le Tidéide, le plus brave de tous. et ils se placèrent dans cet ordre, et Achilleus leur marqua la borne, au loin dans la plaine. Et il y envoya comme inspecteur le divin Phoenix, compagnon de son père, afin qu'il surveillât la course et dît la vérité. Et tous ensemble, levant le fouet sur les chevaux et les excitant du fouet et de la voix, s'élancèrent dans la plaine, loin des nefs. Et la poussière montait autour de leur poitrine, comme un nuage ou comme une tempête, et les crinières flottaient au vent, et les chars tantôt semblaient s'enfoncer en terre, et tantôt bondissaient au-dessus. Mais les conducteurs se tenaient fermes sur leurs sièges, et leur cœur palpitait du désir de la victoire, et chacun excitait ses chevaux qui volaient, soulevant la poussière de la plaine. Mais quand les chevaux rapides, ayant atteint la limite de la course, revinrent vers la blanche mer, l'ardeur des combattants et la vitesse de la course devinrent visibles, et les rapides juments du ferré Thyade parurent les premières, et les chevaux troyens de Diomédès les suivaient de si près qu'ils semblaient monter sur le char. Et le dos et les larges épaules de Mélos étaient chauffés de leur souffle, car ils posaient sur lui leur tête. Et certes, Diomédès eût vaincu ou rendu la lutte égale, si Phoïbos Apollon, irrité contre le fils de Tydéus, n'eût fait tomber de ses mains le fouet splendide. Et des larmes de colère jaillirent de ses yeux quand il vit les juments de Mélos se précipiter plus rapides, et ses propres chevaux se ralentir n'étant plus aiguillonnés. Mais Apollon, retardant le Tydéide, ne put se cacher d'Athénée, et, courant au prince des peuples, elle lui rendit son fouet et remplit ses chevaux de vigueur. Puis, furieuse et poursuivant le fils d'Admétès, elle brisa le joug des juments, qui se dérobèrent, et le timon tomba, rompu. Et Eumélos aussi tomba, auprès de la roue, se déchirant les bras, la bouche et les narines. Il resta muet, le front meurtri et les yeux pleins de larmes. Alors Diomédès, le devançant, poussa ses chevaux au sabot massif, bien au-delà de tous, car Athénée leur avait donné une grande vigueur et accordait la victoire aux Tydéides. Et après lui, le blond Ménélaos Atréide menait son char, puis Antilochos, qui exhortait les chevaux de son père. « Prenez courage et courez plus rapidement. Certes, je ne vous ordonne point de lutter contre les chevaux du brave Tydéide, car Athénée donne la vitesse à leurs pieds et accorde la victoire à leur maître. Mais atteignez les chevaux de l'Atréide, et ne faiblissez point, de peur que Aïtée, qui n'est qu'une jument, vous couvre de honte. Pourquoi tardez-vous, mes braves? Mais je vous le dis, et certes, ceci s'accomplira. Nestor, le prince des peuples, ne se souciera plus de vous. Il vous percera de l'airain aigu, si par lâcheté nous ne remportons qu'un prix vil. Hâtez-vous, et poursuivez promptement l'Atréide. Moi, je vais méditer une ruse, et je le devancerai au détour du chemin, et je le tromperai. » Il parla ainsi. Les chevaux, effrayés des menaces du prince, coururent plus rapidement. Et le brave Antilochos vit que le chemin se rétrécissait. La terre était défoncée par l'amas des eaux de l'hiver, et une partie du chemin était rompue, formant un trou profond. C'était là que se dirigeait Ménélaos pour éviter le choc des chars. Et Antilochos y poussa aussi ses chevaux au sabot massif, hors de la voie, sur le bord du terrain en pente. Et l'Atréide fut saisi de crainte, et dit à Antilochos, « Antilochos, tu mènes tes chevaux avec imprudence. Le chemin est étroit, mais il sera bientôt plus large. Prends garde de nous briser tous deux en heurtant mon char. » Il parla ainsi, mais Antilochos, comme s'il ne l'avait point entendu, aiguillonna plus encore ses chevaux. Aussi rapide que le jet d'un disque que lance de l'épaule un jeune homme qui éprouve ses forces, les deux chars s'élancèrent de front. Mais l'Atréide ralentit sa course et attendit, de peur que les chevaux aux sabots massifs, se heurtant dans le chemin, ne renversassent les chars, et qu'Antilochos et lui, en se hâtant pour la victoire, ne fussent précipités dans la poussière. Mais le blond Ménélaos, irrité, lui dit « Antilochos, aucun homme n'est plus perfide que toi. Va, c'est bien faussement que nous te disions sage, mais tu ne remporteras point le prix sans te parjurer. » Ayant ainsi parlé, il exhorta ses chevaux et leur cria « Ne me retardez point et n'ayez point le cœur triste. Leurs pieds et leurs genoux seront plutôt fatigués que les vôtres, car ils sont vieux tous deux. » Il parla ainsi, et ses chevaux, effrayés par la voix du roi, s'élancèrent et atteignirent aussitôt ceux d'Antilochos. Cependant les Argiens, assis dans le stade, regardait les chars qui volaient dans la plaine en soulevant la poussière. Et Idoménéus, chef des Crétois, les vit le premier. Étant assis hors du stade, sur une hauteur, il entendit une voix qui excitait les chevaux, et il vit celui qui accourait le premier, dont toute la robe était rouge, et qui avait au front un signe blanc, rond comme l'orbe de Sélénée. Et il se leva et dit aux Argiens, « Ô amis, princes et chefs des Argiens, voyez-vous ces chevaux comme moi ? Il me semble que ce sont d'autres chevaux et un autre conducteur qui tiennent maintenant la tête. Peut-être les premiers, au départ, ont-ils subi un malheur dans la plaine. Je les ai vus tourner la borne, et je ne les vois plus. Et cependant, j'embrasse toute la plaine troyenne, où les rênes auront échappé au conducteur et il n'a pu tourner la borne, heureusement. Où il est tombé, brisant son char, et ses juments furieuses se sont dérobées. Mais regardez-vous-même, je ne vois point clairement encore. Cependant, il me semble que c'est un guerrier aïtolien qui commande parmi les Argiens, le brave fils de Tydéus, dompteur de chevaux, Diomédès. » Et le rapide Aias, fils d'Oïléus, lui répondit amèrement. « Idoménéus, pourquoi toujours bavarder ? Ce sont ces mêmes juments aux pieds aériens qui arrivent à travers la vaste plaine. Tu n'es certes pas le plus jeune entre les Argiens, et les yeux qui sortent de ta tête ne sont point les plus perçants. Mais tu bavardes sans cesse. Il ne te convient pas de t'en parler, car beaucoup d'autres ici valent mieux que toi. Ce sont les juments de Mélos qui arrivent les premières, et c'est lui qui tient toujours les rênes. » Le chef des Crétois, irrité, lui répondit, « Aias, excellent pour la querelle, homme injurieux, le dernier des Argiens, ton âme est toute féroce. Allons, déposons un trépied ou un vase, et prenons tous deux pour arbitre l'Atréide Agamemnon. Qu'ils disent quels sont ses chevaux, et tu le sauras à tes dépens. » Il parla ainsi, et le rapide Aias, fils d'Oïléus, plein de colère, se leva pour lui répondre par d'outrageantes paroles. Il y aurait eu une querelle entre eux si Achilléus, s'étant levé, n'eût parlé. « Ne vous adressez pas plus longtemps d'injurieuses paroles, Aias et Idoménéus. Cela ne convient point, et vous blâmeriez qui en ferait autant. Restez assis et regardez. Ces chevaux qui se hâtent pour la victoire vont arriver. Vous verrez alors quels sont les premiers et les seconds. » Il parla ainsi, et le Tydéide arriva, agitant sans relâche le fouet sur ses chevaux, qui, en courant, soulevaient une haute poussière qui enveloppait leur conducteur. Et le char, orné d'or et d'étain, était enlevé par les chevaux rapides. Et l'orbe des roues laissait à peine une trace dans la poussière, tant ils couraient rapidement. Et le char s'arrêta au milieu du stade, et des flots de sueur coulaient de la tête et du poitrail des chevaux. Et Diomédès sauta de son char brillant et appuya le fouet contre le joug. Et sans tarder, le brave Sthénélos saisit le prix. Il remit la femme et le trépied à deux anses à ses magnanimes compagnons, et lui-même détella les chevaux. Et après Diomédès, le Néléon Antilochos arriva, poussant ses chevaux et devançant Ménélaos par ruse et non par la rapidité de sa course. Et Ménélaos le poursuivait de près. Autant est près de la roue un cheval qui traîne son maître sur un char dans la plaine, tandis que les derniers crins de sa queue touchent les jantes, et qu'il court à travers l'espace, autant Ménélaos suivait de près le brave Antilochos. Bien que resté en arrière, à un jet de disque, il l'avait atteint aussitôt, car haïté au beau crin, la jument d'Agamemnon avait redoublé d'ardeur. Et si la course des deux chars eût été plus longue, l'Atréide eût sans doute devancé Antilochos. Et Mériones, le brave compagnon d'Idoménéus, venait à un jet de lance derrière l'illustre Ménélaos, ses chevaux étant très lourds, et lui-même étant peu habile à conduire un char dans le stade. Mais le fils d'Admétès venait le dernier de tous, traînant son beau char et poussant ses chevaux devant lui. Et le divin Achilléus, aux pieds rapides, le voyant, en eut compassion, et debout au milieu des Argiens, il dit ces paroles ailées. « Ce guerrier excellent ramène le dernier ses chevaux au sabot massif. Donnons-lui donc le second prix comme il est juste, et le fils de Tydéus emportera le premier. » Il parla ainsi, et tous y consentirent. Il allait donner à Eumélos la jument promise, si Antilochos, le fils du magnanime Nestor, se levant, n'eût répondu à bon droit au Péléide Achilléus. « Ô Achilléus, je m'irriterai violemment contre toi si tu fais ce que tu as dit. Tu veux m'enlever mon prix parce que, malgré son habileté, Eumélos a vu son char se rompre. Il devait supplier les immortels. Il ne serait point arrivé le dernier. Si tu as compassion de lui, et s'il t'est cher, il y a sous ta tente beaucoup d'or, de l'airain, des brebis, des captives et des chevaux aux sabots massifs. Donne-lui un plus grand prix que le mien, dès maintenant, et que les Achaïens y applaudissent, soit. Mais je ne céderai point mon prix. Que le guerrier qui voudrait me le disputer combatte d'abord contre moi. » Il parla ainsi, et le divin Achilleus, au pied vigoureux, rit, approuvant Antilochos parce qu'il l'aimait. Il lui répondit ces paroles ailées. « Antilochos, si tu veux que je prenne dans ma tente un autre prix pour Eumélos, je le ferai. Je lui donnerai la cuirasse que j'enlevais à Stéropaïos. Elle est d'or et entourée d'étain brillant. Elle est digne de lui. » Il parla ainsi, et il ordonna à son cher compagnon, Automédon, de la porter de sa tente. Et Automédon partit et la porta. Et Achilleus la remit aux mains d'Eumélos, qui la reçut avec joie. Et Ménélaos se leva au milieu de tous, triste et violemment irrité contre Antilochos. Un héros lui mit le sceptre entre les mains et ordonna aux Argiens de faire silence. Et le divin guerrier parla ainsi. « Antilochos, toi qui étais plein de sagesse, pourquoi en as-tu manqué? Tu as déshonoré ma gloire. Tu as jeté en travers des miens tes chevaux qui leur sont bien inférieurs. Vous, princes et chefs des Argiens, jugez équitablement entre nous. Que nul d'entre les Achaïens aux tuniques d'airain ne puisse dire « Ménélaos a opprimé Antilochos par des paroles mensongères et a ravi son prix, car ses chevaux ont été vaincus, mais lui l'a emporté par sa puissance. » Mais je jugerai moi-même, et je ne pense pas qu'aucun des Danaïens me blâme, car mon jugement sera droit. Antilochos, approche, enfant de Zeus, comme il est juste. Debout, devant ton char, prends en main ce fouet que tu agitais sur tes chevaux, et jure, par Poséidaon qui entoure la terre, que tu n'as point traversé ma course par ruse. » Et le sage Antilochos lui répondit, « Pardonne maintenant. Car je suis beaucoup plus jeune que toi, roi Ménélaos, et tu es plus âgé et plus puissant. Tu sais quels sont les défauts d'un jeune homme. L'esprit est très vif et la réflexion très légère. Que ton cœur s'apaise. Je te donnerai moi-même cette jument indomptée que j'ai reçue. Et si tu me demandais plus encore, j'aimerais mieux te le donner aussi, ô fils de Zeus, que de sortir pour toujours de ton cœur et d'être en exécration aux dieux. » Le fils du magnanime Nestor parla ainsi, et remit la jument entre les mains de Ménélaos. Et le cœur de celui-ci se remplit de joie, comme les épis sous la rosée, quand les campagnes s'emplissent de la moisson croissante. Ainsi, ton cœur fut joyeux, ô Ménélaos. Il répondit en paroles ailées. Antilochos, ma colère ne te résiste pas, car tu n'as jamais été ni léger ni injurieux. La jeunesse seule a égaré ta prudence. Mais prends garde désormais de tromper tes supérieurs par des ruses. Un autre d'entre les Achaïens ne m'eût point apaisé aussi vite. Mais toi, ton père excellent et ton frère, vous avez subi beaucoup de maux pour ma cause. Donc, je me rends à ta prière et je te donne cette jument qui m'appartient, afin que tous les Achaïens soient témoins que mon cœur n'a jamais été ni orgueilleux ni dur. » Il parla ainsi et il donna la jument à Noémon, compagnon d'Antilochos. Lui-même, il prit le vase splendide, et Mérionèse reçut les deux talents d'or pris de sa course. Et le cinquième prix restait, l'urne à deux anses. Et Achilleus, la portant à travers l'assemblée des Argiens, la donna à Nestor et lui dit « Reçois ce présent, vieillard, et qu'il te soit un souvenir des funérailles de Patroclos, que tu ne reverras plus parmi les Argiens. Je te donne ce prix que tu n'as point disputé, car tu ne combattras point avec les Cestes, tu ne lutteras point. Tu ne lanceras point la pique, et tu ne courras point, car la lourde vieillesse t'accable. » Ayant ainsi parlé, il lui mit l'urne aux mains, et Nestor, la recevant avec joie, lui répondit ces paroles ailées. « Mon fils, certes, tu as bien parlé. Ami, je n'ai plus en effet mes membres vigoureux, mes pieds sont lourds, et mes bras ne sont plus agiles. Plutôt Dieu que je fusse jeune, et que ma force fût telle qu'à l'époque où les Épéiens ensevelirent le roi Amarynchéus dans Bouprasion, ses fils déposèrent des prix, et aucun guerrier ne fut mon égal parmi les Épéiens, les Pyliens et les magnanimes aétoliens. Je vainquis au pugilat Clidomédéus, fils d'Ethnops, à la lutte Achaïos, le pleuronien, qui se leva contre moi. Je courus plus vite que le brave Iphiclos. Je triomphai au combat de la lance de Phileus et de Polydoros. Mais, à la course des chars par leur nombre, les Actoriones remportèrent la victoire, et ils m'enlevèrent ainsi les plus beaux prix. Car ils étaient deux. L'un tenait fermement les rênes, et l'autre le fouet. Tel j'étais autrefois, et maintenant de plus jeune accomplisse ces travaux. Il me faut obéir à la triste vieillesse. Mais alors j'excellais parmi les héros. Va, continue par d'autres combats les funérailles de ton compagnon. J'accepte ce présent avec joie, et mon cœur se réjouit de ce que tu te sois souvenu de moi, qui te suis bienveillant, et de ce que tu m'aies honoré, comme il est juste qu'on m'honore parmi les Argiens, que les dieux, en retour, te comblent de leur grâce. » Il parla ainsi, et le Péléide s'en retourna à travers la grande assemblée des Achaïens, après avoir écouté jusqu'au bout la propre louange d'une Éléiade. Il déposa les prix pour le rude combat des poings, et il amena dans l'enceinte, et lia de ses mains une mule laborieuse de 6 ans, indomptée et presque indomptable, et déposa une coupe ronde pour le vaincu. Et debout, il dit au milieu des Argiens, « Atréides, et vous, Achaïens, aux belles Cnémides, j'appelle pour disputer ces prix 2 hommes vigoureux à se frapper de leurs poings levés. Que tous les Achaïens le sachent, celui à qui Apollon donnera la victoire conduira dans sa tente cette mule patiente, et le vaincu emportera cette coupe ronde. » Il parla ainsi, et aussitôt un homme vigoureux et grand se leva, Épéios, fils de Panopéos, habile au combat du poing. Il saisit la mule laborieuse et dit, « Qu'il vienne celui qui veut emporter cette coupe, car je ne pense pas qu'aucun des Achaïens puisse emmener cette mule, m'ayant vaincu par le poing. Car en cela je me glorifie de l'emporter sur tous. N'est-ce point assez que je sois inférieur dans le combat ? Aucun homme ne peut exceller en toute chose. Mais je le dis, et ma parole s'accomplira. Je briserai le corps de mon adversaire, et je romprai ses os. Que ses amis s'assemblent ici en grand nombre pour l'emporter, quand il sera tombé sous mes mains. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets. Et le seul Euryalos se leva, homme illustre, fils du roi Mécistéus Talionide, qui autrefois alla dans Thébée aux funérailles d'Oedipus, et qui l'emporta sur tous les Cadméones. Et l'illustre Tydéide s'empressait autour de Euryalos, l'animant de ses paroles, car il lui souhaitait la victoire. Il lui mit d'abord une ceinture, et il l'arma de courroies faites du cuir d'un bœuf sauvage. Puis les deux combattants s'avancèrent au milieu de l'enceinte. Et tous deux, levant à la fois leurs mains vigoureuses, se frappèrent à la fois en mêlant leurs poings lourds, et on entendait le bruit des mâchoires frappées, et la sueur coulait chaude de tous leurs membres. Mais le divin Épéios, se ruant en avant, frappa de tous les côtés la face de Euryalos, qui ne put résister plus longtemps et dont les membres défaillirent. De même que le poisson qui est jeté par le souffle furieux de Boréas, dans les algues du bord, et que l'eau noire saisit, de même Euryalos frappé bondit. Mais le magnanime Péios le releva lui-même, et ses chers compagnons l'entourant, l'emmenèrent à travers l'assemblée, les pieds traînant, vomissant un sang épais, et la tête penchée. Et ils l'emmenaient ainsi, en le soutenant, et ils emportèrent aussi la coupe ronde. Et le Péléide déposa les prix de la lutte difficile devant les Danaïens. Un grand trépied fait pour le feu est destiné au vainqueur, et que les Achaïens entre eux estimèrent du prix de 12 bœufs. Et pour le vaincu, une femme habile aux travaux, et valant 4 bœufs. Et le Péléide debout dit au milieu des Argiens qu'ils se lèvent, ceux qui osent combattre pour ce prix. Il parla ainsi, et aussitôt le grand Télamonien Aïas se leva, et le sage Odysseus, plein de ruse, se leva aussi. Et tous deux, s'étant munis de ceintures, descendirent dans l'enceinte et se saisirent de leurs mains vigoureuses, telles que deux poutres qu'un habile charpentier unit au sommet d'une maison pour résister à la violence du vent. Ainsi leurs reins, sous leurs mains vigoureuses, craquèrent avec force, et leur sueur coula abondamment, et d'épaisses tumeurs, rouges de sang, s'élevèrent sur leurs flancs et leurs épaules, et tous deux désiraient ardemment la victoire et le trépied qui en était le prix. Mais Odysseus ne pouvait ébranler Aïas, et Aïas ne pouvait renverser Odysseus. Et déjà, il fatiguait l'attente des Achaïens aux belles Cnémides. Mais le grand Télamonien Aïas dit alors à Odysseus : « Divin Laertiade, très sage Odysseus, Enlève-moi, ou je t'enlèverai, et Zeus fera le reste. » Il parla ainsi, et il l'enleva. Mais Odysseus n'oublia point ses ruses, et le frappant du pied sur le jarret, il fit ployer ses membres, et le renversant tomba sur lui. Et les peuples étonnés les admiraient. Alors le divin et patient, Odysseus, voulut à son tour enlever Aias, mais il le souleva à peine, et ses genoux ployèrent, et tous deux tombèrent côte à côte, et ils furent souillés de poussière. Et comme ils se relevaient une troisième fois, Achilleus se leva lui-même et les retint. « Ne combattez pas plus longtemps, et ne vous épuisez pas, la victoire est à tous deux. Allez donc, en portant des prix égaux, et laissez combattre les autres Achaïens. » Il parla ainsi, et l'ayant entendu, ils lui obéirent. Et secouant leur poussière, ils se couvrirent de leurs vêtements. Alors le Péléi déposa les prix de la course, un très beau cratère d'argent contenant 6 mesures. Il surpassait par sa beauté tous ceux qui étaient sur la terre. Les habiles Sidones l'avaient admirablement travaillé, et des Phoïniques l'avaient amené à travers la mer bleue. Et arrivés au port, ils l'avaient donné à Thoas. Le Yazonide, Eunéus, l'avait cédé au héros Patroclos pour l'affranchissement du Priamide Lycaon. Et Achilleus le proposa en prix au plus habile coureur, dans les jeux funèbres de son ami. Puis il offrit un bœuf énorme et très gras, puis enfin un demi-talent d'or. Et debout, il dit au milieu des Argiens, « Qu'ils se lèvent, ceux qui veulent combattre pour ce prix. » Il parla ainsi, et aussitôt le rapide Aias, fils d'Oïléus, se leva, puis le sage Odysseus, puis Antilochos, fils de Nestor. Et celui-ci dépassait tous les jeunes hommes à la course. Ils se placèrent de front, et Achilleus leur montra le but, et ils se précipitèrent. L'Oïliade les devançait tous, puis venait le divin Odysseus. Autant la navette qu'une belle femme manie habilement approche de son sein quand elle tire le fil à elle, autant Odysseus était proche d'Aias, mettant ses pieds dans les pas de celui-ci, avant que leur poussière se fût élevée. Ainsi le divin Odysseus chauffait de son souffle la tête d'Aias, et tous les Achaïens applaudissaient à son désir de la victoire, et l'excitaient à courir. Et comme ils approchaient du but, Odysseus prit en lui-même Athénée aux yeux clairs. « Exauce-moi, déesse, soutiens-moi heureusement dans ma course. » Il parla ainsi, et Pallas Athénée, l'exauçant, rendit ses membres plus agiles et ses pieds plus légers. Et comme il revenait au prix, Athénée poussa Aias qui tomba, en courant, là où s'était amassé le sang des bœufs mugissants qu'Achilleus aux pieds rapides avait tué devant le corps de Patroclos. Et sa bouche et ses narines furent emplies de fumier et du sang des bœufs. Et le divin et patient Odysseus, le devançant, saisit le cratère d'argent. Et l'illustre Aias prit le bœuf, et se tenant d'une main à l'une des cornes du bœuf sauvage, et rejetant le fumier de sa bouche, il dit au milieu des Argiens, « Malheur à moi, certes, la déesse Athénée a embarrassé mes pieds, elle qui accompagne et secourt toujours Odysseus comme une mère. » Il parla ainsi, et tous, en l'entendant, se mirent à rire. Et Antilochos enleva le dernier prix, et les dit en riant aux Argiens, « Je vous le dis à tous, et vous le voyez, amis. Maintenant et toujours, les immortels honorent les vieillards. Aias est un peu plus âgé que moi, mais Odysseus est de la génération des hommes anciens. Cependant, il a une verte vieillesse. Il est difficile à tous les Achaïens, si ce n'est à Achilleus, de lutter avec lui à la course. » Il parla ainsi, louant le Péléon aux pieds rapides. Et Achilleus lui répondit, « Antilochos, tu ne m'auras point loué en vain, et je te donnerai encore un autre demi-talent d'or. » Ayant ainsi parlé, il le lui donna, et Antilochos le reçut avec joie. Puis le Péléi déposa dans l'enceinte une longue lance, un bouclier et un casque. Et c'étaient les armes que Patroclos avait enlevées à Serpédon. Et debout, il dit au milieu des Argiens, que deux guerriers parmi les plus braves et couverts de leurs armes d'airain combattent devant la foule. Et celui qui, atteignant le premier le corps de l'autre, aura fait couler le sang noir à travers les armes, je donnerai cette belle épée trechienne au clou d'argent que j'enlevais à Astéropaios. Quant à ces armes, elles seront communes, et je leur offrirai à tous deux un beau repas dans mes tentes. » Il parla ainsi, et aussitôt le grand Télamonien Aias se leva. Et après lui, le brave Diomédès Tidéide se leva aussi. Et tous deux, à l'écart, s'étant armés, se présentèrent au milieu de tous, prêts à combattre et se regardant avec des yeux terribles. Et la terreur saisit tous les Achaïens. Et quand les héros se furent rencontrés, trois fois, se jetant l'un sur l'autre, ils s'attaquèrent ardemment. Aias perça le bouclier de Diomédès, mais il n'atteignit point le corps que protégeait la cuirasse. Et le Tydéide dirigea la pointe de sa lance, au-dessus du grand bouclier, près du cou. Mais les Achaïens, craignant pour Aias, firent cesser le combat et leur donnèrent des prix égaux. Cependant, le héros Achilleus donna au Tydéide la grande épée, avec la gaine et le riche baudrier. Puis le Péléide déposa un disque de fer brut que lançait autrefois la force immense des Hétions. Et le divin Achilleus, au pied rapide, ayant tué Hétion, avait emporté cette masse dans ses nefs, avec d'autres richesses. Et debout, il dit au milieu des Argiens, « Qu'ils se lèvent, ceux qui veulent tenter ce combat. Celui qui possédera ce disque, s'il a des champs fertiles qui s'étendent au loin, ne manquera point de fer pendant 5 années entières. Ni ses bergers, ni ses laboureurs n'iront en acheter à la ville, car ce disque lui en fournira. » Il parla ainsi, et le belliqueux Polypoïtès se leva. Et après lui, la force du divin Léontéus. Puis Aias Télamoniade, puis le divin Épéios. Ils prirent place, et le divin Épéios saisit le disque, et le faisant tourner, le lança, et tous les Achaïens se mirent à rire. Le second qui le lança fut Léontéus, rejeton d'Arès. Le troisième fut le grand Télamonien Aias, qui, de sa main vigoureuse, le jeta bien au-delà des autres. Mais quand le belliqueux Polypoïtès l'eut saisi, il le lança plus loin que tous, de l'espace entier que franchit le bâton recourbé d'un bouvier, que celui-ci fait voler à travers les vaches vagabondes. Et les Achaïens poussèrent des acclamations, et les compagnons du brave Polypoïtès emportèrent dans les nefs creuses le prix de leur roi. Puis le Péléide déposa, pour les archers habiles, 10 grandes haches, à 2 tranchants, et 10 petites haches, toutes en fer. Et il fit dresser dans l'enceinte le manoir d'une nef éperonnée, et au sommet du mât, il fit lier par un lien léger une colombe tremblante, but des flèches. Celui qui atteindra la colombe emportera les haches à 2 tranchants dans sa tente, et celui qui, moins adroit et manquant l'oiseau, aura coupé le lien, emportera les petites haches. Il parla ainsi, et le prince Teucros se leva aussitôt. Et après lui, Mériones, brave compagnon d'Idoménéus, se leva aussi, et les sorts ayant été remués dans un casque d'airain, celui de Teucros parut le premier. Et aussitôt, il lança une flèche avec vigueur, oubliant de vouer à l'archer Apollon une illustre hécatombe d'agneau premier-né. Et il manqua l'oiseau, car Apollon lui envia cette gloire, mais il atteignit auprès du pied le lien qui retenait l'oiseau. Et la flèche amère trancha le lien, et la colombe s'envola dans l'Ouranos, tandis que le lien retombait. Et les Achaïens poussèrent des acclamations. Mais aussitôt, Mériones, saisissant l'arc de la main de Teucros, car il tenait la flèche prête, voua à l'archer Apollon une illustre hécatombe d'agneau premier-né. Et, tandis que la colombe montait en tournoyant vers les hautes nuées, il l'atteignit sous l'aile. Le trait la traversa et revint s'enfoncer en terre, aux pieds de Mériones. Et l'oiseau tomba le long du manoir, de la nef éperonnée. Le cou pendant et les plumes éparses, et son âme s'envola de son corps. Et tous furent saisis d'admiration. Et Mériones prit les 10 haches à 2 tranchants, et Teucros emporta les petites haches dans sa tente. Puis le Péléide déposa une longue lance et un vase neuf et orné, du prix d'un bœuf. Et ceux qui devaient lancer la pique se levèrent. Et l'Atréide Agamemnon, qui commande au loin, se leva. Et Mériones, brave compagnon d'Idoménéus, se leva aussi. Mais le divin et rapide Achilleus leur dit, « Atréide, nous savons combien tu l'emportes sur tous par ta force et ton habileté à la lance. Emporte donc ce prix dans tes nefs creuses. Mais si tu le veux, et tel est mon désir, donne cette lance au héros Mériones. » Il parla ainsi, et le roi des hommes Agamemnon y consentit. Et Achilleus donna la lance d'airain à Mériones, et le roi Atréide remit le vase magnifique au héros Taltibios.